Non, monsieur, je vous dis que vous passerez pas. Vous ne passerez pas. Les chars fleuris doivent défiler à 5 heures cet après-midi. Et à partir de 2 heures, monsieur, on m'a indiqué de mettre une barrière ici, sur la petite rue, adjacente au boulevard où va passer les chars fleuris. Mais écoutez, monsieur, écoutez, soyez gentil. Je suis docteur. Je dois aller sauver une jeune fille qui va peut-être mourir dans 20 minutes. Il faut que je lui apporte de l'oxygène. Ah non, monsieur. Vous passerez pas. Je suis fonctionnaire, moi. Et on m'a indiqué qu'à partir de 2 heures, aucune voiture devrait passer. Voilà. Oui, mais écoutez, monsieur, justement, c'est 2 heures. Ah non. Vous, civil, c'est 2 heures. Mais pour moi, fonctionnaire, c'est 2 heures une. Vous ne passerez pas. Moi, je risque rien. Regardez, aujourd'hui, je suis quelqu'un. J'ai un brassard avec le tampon de la mairie. Vous ne passerez pas. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Écoutez, c'est ridicule. Mais c'est ridicule, mais c'est comme ça. Savez-vous ce que c'est que d'être un petit fonctionnaire toute l'année? Baisser la tête devant son sous-chef toute l'année. Qui lui-même, le sous-chef, baisse les chines devant le chef. Et le chef qui met un genou en terre devant le sous-directeur. Le sous-directeur qui met les deux genoux en terre devant le directeur. Le directeur qui baisse les chines devant le secrétaire de ministre. Le secrétaire de ministre qui se met à plein ventre devant le ministre. Et le ministre qui se met sous la carpette devant le président. Et tout le monde baisse la tête, sauf moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Regardez, j'ai mon brassard avec le tampon de la mairie. Écoutez, moi qui suis docteur, que de palabres. Discussion, on a perdu du temps, laissez-moi passer. Non, vous ne passerez pas. À partir de 2 heures, personne ne doit passer. Vous pouvez porter plainte contre moi, je ne risque rien, je suis fonctionnaire. J'ai le bouclier de la loi. Le juge me donnera raison. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est ridicule qu'une jeune fille... J'allais pas loin. Vous voyez, je prenais le boulevard de la Liberté. Je tournais à gauche, pas à gauche, parce que il y a la rue de l'Égalité. Mais c'est une impasse. Et j'allais... Oui, c'est une impasse. Et j'allais rue de la Fraternité. J'allais au numéro 00, au sous-sol. Mais c'est là où j'habite, moi. Mais c'est peut-être ma fille, alors. Ah oui, certainement. Mais passez vite, alors. Mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas le droit. Oh, ben oui, mais nous, entre fonctionnaires, on cède un peu. Il y a des clins d'œil. Ou on s'arrange entre nous. Vous passez. Non. Non, depuis le temps que vous m'expliquez que vous avez raison et que vous avez un brassard avec le tampon de la mairie qui vous donne tous les droits, c'est trop tard, maintenant. Vous pouvez le mettre en deuil, votre brassard.